Ok Google, quelle est la meilleure émission? C'est Sbazi Radio tous les dimanches soirs de 18h à 19h sur hashtag. Coucou tout le monde! C'est parti! 18h01. J'ai démuté mon micro, on m'entend là? Normalement, oui. Ouais, voilà, oui, on m'entend. Oui. Ah, voilà. C'est ça, yes. Les petits réglages du soir. 18h01. Ça fait trop longtemps, on n'a pas fait d'émission, ça fait une semaine. c'est parti pour la spéciale 2009 et pas 2019, parce que c'est cette année 2019. Du coup, et ça fait 10 ans, ouais. 10 ans qu'on connaît les chansons qu'on va écouter ce soir. Voilà, normalement, vous allez avoir, être nostalgique parce qu'on vous avait préparé énormément de chansons en vrai. Hein. Oui, il y en a beaucoup. Ah ouais. Il y en a vraiment beaucoup. On est en retard, on le sait, mais on avait des petits soucis technicos. Voilà. Il paraît qu'Ariana nous invite à un barbecue. Ah, ça y est, t'en as entendu parler? Oui, oui. Bah, et attends, elle a fait ce sera la semaine prochaine dans la Minute Ariana. Non, il y aura l'album la semaine prochaine. La semaine prochaine. Non, mais juste, elle s'est trompée sur. Mais vous savez qu'elle apprend depuis 6 ans le japonais. Donc, elle s'est trompée une fois. Mais voilà, bref, on s'en fout. Je vois pas pourquoi elle a buzzé sur ça alors que bon, il y en a plein d'autres qui se sont trompés, quoi. D'accord. Super. Voilà. Le programme de ce soir, alors évidemment vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, comme c'est affiché en bas de votre écran. Ah non, alors, tu veux que je dise le programme? Vas-y, fais-toi plaisir. Alors, on finira comme d'habitude avec le N'oubliez pas les paroles. Et comme c'est une spéciale, il y aura 5 chansons N'oubliez pas les paroles. Plus on mettra entre la 4ème et la 5ème une petite chanson fuck les rageux, quoi. Voilà. Oui, ensuite. Ensuite, on vous fera les chansons numéro 1. Plutôt, ouais, les numéro 1 des meilleures ventes digitales de 2019. Donc, il y a énormément de chansons. T'as pas mis combien il y en avait, mais. Il y en a 14 ou 13, je sais plus. Ah ouais. Donc, voilà, on mettra des petits extraits. Mais on va vous mettre les extraits, etc. On va pas passer 14, 13 chansons en une heure, hein, c'est impossible. Et sinon, vous nous entendrez pas. Voilà. Juste avant, on a quoi? Ensuite, juste avant, y aura ce qu'il s'est passé en 2009, donc les événements phares de l'année. Des petites actus, même des trucs pourris qu'on s'en souvient pas. Oui, voilà. Et nos coups de cœur musicaux. Et nos coups de cœur musicaux qui commencent directement. Alors, juste avant, suivez-nous sur la page Facebook, tout ça. Et qu'est-ce que tu me fais, Esther? Je veux voir les auditeurs. Ah, casse tout. Ah, voilà. Tu peux pas demander. Désolé. Les replays seront dispo évidemment sur Google Podcast et Spotify. Et en haut à droite, vous avez un sondage pour choisir la chanson de Black M. Des Black Eyed Peas, c'est pas le même truc. Non, c'était la spéciale 2010. Juste après les numéros 1 des meilleures ventes digitales. Et en première chanson, parce qu'on va vous faire écouter les petits extraits pour les choisir, et oui, on a I Got a Feeling. That tonight's gonna be. Chanson que tout le monde connaît évidemment. Parce que si vous la connaissez pas, c'est pas normal. Hein. On a Meet Me Halfway. Fire You. On a Missing You. And yes. I'm missing you. Et on a aussi Boom Boom Pow. Et vous votez dans le sondage haut à droite et on s'écoutera celle que vous avez choisie juste après les numéros 1 des meilleures ventes digitales en 2009. On passe au coup de cœur musical. Donc vous voterez dans le petit de cette semaine. Pas de cette semaine, de 2009. Je me perds. Pour les Black Eyed Peas, votez dans le petit en haut à droite. Yes, comme d'habitude. Comme d'habitude, pour savoir qu'est-ce qu'on mettra vers la fin de l'émission. On dit évidemment bonsoir à Kelly Tom, Monsieur Blague à Papa, Sandrine et Freeway qui sont là. On espère que vous allez très bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous allez passer une bonne soirée en notre compagnie. Ouais, pourquoi j'ai parlé comme ça? Je ne sais pas. On ne sait pas. Alors, Stewart, coup de cœur musical, on va commencer par ton petit coup de cœur. Qu'est-ce que c'était, Esther? En fait, je crois que je ne l'ai pas découvert l'année 2009, mais en fait, c'est une des chansons préférées de toutes les chansons. En fait. Genre, c'est une vraiment que j'aime trop écouter. Donc, c'est Ivy Cross de Gossip. Attention, extrait. C'est son petit coup de cœur de 2009. C'est la chanson de la pub de Dior, hein, ceux qui Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai que j'avais... Mais souvent, les pubs de parfums, elles ont que des... Enfin, chaque ouais, fois, les pubs de parfums, elles ont des musiques qui passent. Hein. Ouais, même ouais. des plus anciennes ou plus récentes ou quoi. D'ailleurs, bon, n'hésitez pas à nous dire vos coups de cœur musicaux de 2009 tout au long de l'émission. Hein, on les lira. Évidemment, on est déjà très en retard sur le programme. Ah bon oui. Ah oui, c'est vrai. Notre coup de cœur en commun. On a un petit coup de cœur en commun. Parce qu'on était des grands fans. On vous en avait déjà parlé peut-être certainement une fois. Oui. On était des grandes fans de Christophe Maé et dont la chanson de son album qui était Ding Ding Ding, celle-ci. Oh celle-là, yes. vous l'avez entendue forcément partout. Oui, oui. Mais oui. on était tellement fans à l'époque de celle-là. On se connaissait pas trop. Enfin, on se connaissait même pas. Mais en troisième, quand on s'est dit Christophe Maé. Ouais, ouais. Ah, mais oui, mais. Grave. Non, on était trop fans de Christophe Maé à l'époque. Bon, bah maintenant. Ouais. Et du coup, elle est sortie en 2009, Ding Ding Ding. Ouais. Je pensais qu'elle était sortie plus tard, tu vois. Je pensais aussi, 2010, oui. un truc ouais, par là, ouais. 2013. C'est pas alors, du tout pareil, mais voilà. Elle est super chouette chanson Gossip Girl. Alors, c'est pas Gossip Girl, c'est Gossip le ouais, nom du groupe. Parce que Gossip Girl, c'est une télé-réalité, c'est autre chose. C'est pas une télé-réalité. Si. C'est une série. Oh, série, télé-réalité, enfin, c'est un peu. Mais n'importe quoi. Mais c'est pareil, c'est le bordel. Là, tous les fans de Gossip Girl, ils se sentent insultés, hein. Oh, et. C'est bon. Non, c'est pas bon. Bref, c'était. Alors, quel est notre ton deuxième coup de cœur, Hugo? Ah, mon deuxième coup de cœur, ça, c'est. On l'écoutait tous. C'était un petit groupe. C'était débile en fait un peu hein, leurs ouais. chansons. Tous on les a connus. On l'avait moi, écouté trop... dans la spéciale 2010 avec Fatal Bazooka quand il faisait ouais. Et ce matin va être une pure soirée. Voilà. Et moi j'aimais trop Je suis beau de PZK. Oui aussi. Et ben voilà, c'est PZK, les filles adorent et celle-là vous l'avez forcément entendue quelque part. On vous revient la met en entier. Juste après avec ce qui s'est passé en 2009, la petite actu. À et toutes. N'hésitez pas à nous dire vos coups de cœur tout ça tout au long de l'émission jusqu'à 19h. Yes. Yes. Je la connaissais pas trop. Enfin, genre, je l'avais pas trop. Non, j'ai jamais entendu en fait. Ah, quand même. Mais moi, en fait, 2019, je l'avais complètement oublié cette chanson. Donc voilà. Ouais. Mais après, quand je l'ai réécoutée, waouh. Je m'en souvenais. On passe à l'actualité de 2009. Yes. Yes. Yes. Yes. Beaucoup trop d'anglais ce soir. Qu'est-ce qu'il y a eu cette année-là? On a quelques petites infos. Il y en a une que vous connaissez tous, hein, évidemment. Oui. Mais allez au milieu, vous verrez ça dans quelques instants. Tout d'abord, le 5 janvier, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une révolution dans le monde de la télé. Qui regarde France Télévisions ici? Personne, à part les vieux. C'est-à-dire, mamie, papy, je vous fais des bisous. Hein. Restez devant. Qui veut gagner? Non, c'est pas du tout. C'est pas du tout sur France Télé, ça. C'est question pour un champion, voilà. Okay. Bref, eh ben, ils vont être contents, ils étaient contents, ceux qui regardent France Télévisions, parce qu'ils n'avaient plus de pub après 20h. Et depuis, il n'y a toujours pas de pub après 20h. Ah. Genre pendant tes films et tout, sur France 2, 3, 4, 5. Ah, c'est cool. Et oh, et ben t'as pas de pub depuis 2009, ça fait 10 ans. Enfin, à partir de 20h. Et ça, c'est vachement bien quand tu vois que j'avais TF1, pas, j'avais pas t'as remarqué, 20 ouais. minutes de pub sur un film. Ouais. Donc, ouais. donc c'est une plutôt bonne oui, c'est information. Vrai, c'est bien. Voilà, ensuite, c'était bien. Le 3 mars, c'était la journée de la racine carrée. Donc, la oui. première fois en 5 ans. Truc qui sert à rien, mais. Son jour, donc il varie en fait selon la formule suivante. Lorsque les chiffres du jour et du mois sont égaux à la racine carrée des deux derniers chiffres de l'année. Alors j'ai rien compris. Bah tu connais racine carrée quand même. Mais racine carrée de 9, ça fait 3. Parce que 3 au carré, ça fait 9. Oui, mais je comprends pas comment elle se calcule le jour en fait. Mais parce que le 3 mars, c'est 0303. Et ça égale aux deux derniers chiffres de l'année, donc le 9, 09. Ah, donc c'est pas tous les ans. Et non, du coup, oui, c'est et pour la prochaine ça. Fois, c'est pour ça, au début, je me suis dit, j'ai vu cette journée, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça encore? Qu'est-ce bah ouais. qu'ils ont foutu? Et finalement, ouais, c'est... Alors, on peut dire que ça sert à rien, mais, ouais. Mais voilà, quoi. C'est pas un 3 x 3, 9... Cette année, racine carrée de 19, ben, il n'y en a pas. Donc bon, cette année, on n'aura pas de journée de racine carrée. Vous pouvez tous pleurer si vous avez envie. C'est pas pire qu'aux USA, la pub. Ah oui, bah après, bon, les USA, ce sont un peu des glingos là-bas. Enfin, je veux dire, ils ont un petit souci des fois là-bas. C'est vrai. Voilà. Ensuite, attention, coup, on passe à une actualité. Vous allez reconnaître cette chanson. Bon, vous la connaissez tous, même si vous êtes né l'année dernière. Hein. Oui. Non, peut-être pas quand même. Donc le 25 juin. Oui, le 25 juin. C'était la mort de Michael Jackson. Le King of Pop. Yes, ça fait 10 ans déjà. Hein. Bah ouais, grave. 10 ans le 25 juin. Mais je suis étonné que ça m'ait pas marqué l'année. Genre que quand est-ce que. Enfin, mais pas. Moi, oui, je me souviens pas trop en avoir entendu parler. Enfin, si, peut-être. Je me souviens que quand on en avait entendu parler, je m'en foutais totalement. Et moi, je le connaissais pas avant parce que tu vois, on parlait pas que de lui vu qu'il était dans son vivant. Après, en fait, en 2009, on était un peu jeunes. On allait rentrer en CE1. On avait 7 ans, ouais. Ouais, donc c'était. Tu m'étonnes qu'on s'en foutait un peu. Mais n'empêche que ça passe toujours à la radio et tout. Oui. On l'entend toujours, le petit Michael Jackson. Et d'ailleurs, évidemment, il est dans les numéros 1 des ventes digitales de 2009. On ne sait pas de quand à quand, mais vous allez le découvrir juste après. Qu'est-ce qu'il s'est passé après Esther ? Un jour après, donc le 26 juin, la direction du Real Madrid officialise... Tu as zappé une petite info. Ah non ! Non, non. Ah non, oui, pardon, c'est moi qui... Oh là là, laissez-moi faire mon travail, voyons. C'est le jour de mon anniversaire, en plus. Ah oui. Donc, la direction du Real Madrid officialise le transfert de l'international portugais Cristiano Ronaldo. Maintenant, après, la Paris, Juventus. Non. Ah, mais oui, non, mais c'est bon. C'est... Ah, mais je savais pas que c'était en 2009 qu'il est venu au Real Madrid. Il est resté longtemps, hein. Bah, jusqu'en 2018. Presque 10 ans, bah, ouais. 9 ans. Ouais, 9 ans. Ça fait beaucoup. Ouais, maintenant, il est Juventus, c'est l'Italie, ça. J'avais vu. Ouais, bah pour après, nous, est-ce qu'on s'en fout pas un peu du foot ? Oui, c'est vrai, on s'en fout un peu. Je sais pas pourquoi tu l'as mis. Ouais, non, mais c'est une info. Attends, et Cristiano Ronaldo, c'est pas un petit joueur. Yes, coucou Michael. Coucou, Nani. Ah oui, la mort de Michael. Ah oui, bah, ça vous a marqué, vous. Hein. Oui. J'ai failli rajouter un mot, je me serais fait défoncer. Oh, les vieux, t'allais tirer. Ouais. Oh là là. Même, j'avais 8 ans et je le savais et j'ai pleuré. Non, mais moi, à cette époque, je m'en foutais. Enfin, j'aimais pas ses chansons encore. Bah, en fait, comme. J'aimais les chansons de Ghost. Il en faisait plus trop, en fait, des chansons dans les années 2000. Donc, moi, je le connaissais pas. Mais si, parce que la même année, il avait annoncé une nouvelle tournée de concert. Qui, du coup, bah, il a annulé parce qu'il pouvait pas la faire. Hein. Bah, trop marrant, quoi. Le foot, c'est nul. On est d'accord. Oui. Bon, faut pas qu'on se mette tout le monde à dos, parce qu'après, on aura plus personne. Le 1er septembre, une grosse information. Non, je déconne, c'est une petite info pourrie, mais elle était là. C'était la sortie de la PS3 Slim, donc la version un peu au-dessus de la PS3 qui était sortie quelques années avant. Est-ce que je l'ai eu ? Non. Est-ce que tu l'as eu ? Non plus. Voilà. Non, non, donc, j'avais la Wii, moi. Non, moi, j'ai eu la PS3 Ultra Slim, c'était encore bien après. Et, je connais même pas ça. Et elle est dans une caisse. Donc voilà, si tu veux jouer, on peut. Hein. Go faire un match de FIFA pendant ce Bazar Radio, mais c'est pas vraiment le bon plan. Parlons d'Ariana plutôt. Et non, elle avait pas d'actu en 2009, Ariana. Je crois qu'elle faisait la comédie 13 à Broadway. Première comédie musicale, je crois que c'était en 2009, si je me trompe pas. Voilà, bref. Même pas vérifier les réponses, quoi. Parce que je le sais de tête, en fait. Si, Michael, le plus grosse perte au monde. Ah, bah, ouais, c'est vrai que j'aurais préféré perdre Johnny avant lui. Il y a des factures derrière. Merci Esther. Esther, regarde, en fait, c'est des feuilles de brouillon sur lesquelles on a imprimé le programme. Et derrière, dit, il y a des factures. Alors non, c'est des plans de vol. Ah, d'accord. C'est pas pareil. Mais oui, du coup, j'aurais préféré perdre Johnny à cette époque que Michael, parce que Johnny faut allumer le feu, tout ça. Voilà quoi. On va pas comparer les morts, pocheur. Ouais, j'avoue. En plus, ma grand-mère. Tu sais qu'en plus, attends, dans un article, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait écrit on a perdu Michael Jackson. Et quelques jours après, il y avait Johnny, il était allé à l'hôpital et il a dit oh, bah ça aurait été dommage de perdre les deux en même temps la même année. Mais bon, du coup, moi qui lis ça maintenant, les deux ils y sont plus. C'est vrai, oui. Bon, bref, voilà. On a toujours la Wii, un collector maintenant. On passe. Un collector, la Wii, je pense pas. Non, non, vraiment pas, genre. Je pense que tout le monde là, tu la payes à 10 euros et puis. 10 euros, on n'abuse pas quand même. Ou à 30. Bref, qu'est-ce qui s'est passé encore comme dernière petite actu? Le 9 novembre, c'était les 20 ans de la chute du mur de Berlin. Parce que c'était en 89. C'est joyeux. Ça, c'est joyeux comme petite info. Oui. Tu te rends compte? Oui. Mais 20 ans, c'est. Mais du coup, ça va faire 30 ans cette année. Ouais. Ah, bien joué. Ouais, le 9 novembre. Je fais un calcul. Comment ça, vous ne payez pas vos factures? Bah, non. Et bientôt, on payera les vôtres aussi, sans je connais. Papa et maman vont pas être très contents si on vous paye les factures. Attention, il y a un fan de lui ici. De Johnny. De Johnny, oui, bah, c'est ma grand-mère, Danielle, en fait. Ouh là là. Fan de Johnny. Ouh là là. Donc, voilà. Faut en parler en bien. Alors, il est pas nul, je n'aime pas, c'est différent. C'est vrai. La nôtre a très peu servi. Oh, si, nous, elle a tellement servi notre Wii. Notre Wii, elle a très peu servi. Mais on s'en sert encore tout avec ma sœur, mais n'importe quoi. Non, mais, non, mais là, moi, je suis outrée, servais... on s'en sert je tout le temps. Je l'emmenais chez papy, mamie et tout pour jouer avec les cousins. Just Dance, oui, Wii j'ai fait que toute mon enfance, j'ai joué à la Wii. Non, mais là, je suis outrée de, d'apprendre cette nouvelle qu'elle a très peu servi, n'importe quoi. Les retours de la petite blague de papa, la Wii de ma mère. À lire la vie de ma mère. Ah, j'avais pas compris. Bah heureusement que j'ai fait la traduction. Bah ouais. On va passer à quoi juste après? Un peu de musique. Juste après Bad Romance de Lady Gaga. The Lady qui est sortie en 2009. On va s'écouter les chansons numéro 1 des ventes en 2009. Écoutez des extraits, hein, parce qu'on n'est pas là toute la nuit non plus. Hein, on va pas faire des émissions de 24 heures. Oui, non. On bosse aussi. Hein. Enfin, on bosse entre guillemets. Je n'arrive plus à trouver des jeux, ils en vendent plus. De quoi sur la Wii? Mais c'est bon, si, on en a, ça on en a plein de partout, jeux. Mais bon, il y en a plus qui sortent. Si Just Dance, je crois que ça sort encore sur la Wii. Ouais. C'est quand même quelque chose exceptionnel. Attention, Lady Gaga, Bad Romance. C'est Esther qui a voulu mettre ça. Et c'est vrai que c'est vieux, on s'en souvient. Juste après, c'est numéro 1 des ventes digitales d'albums, enfin de singles plutôt. En 2009 oh, j'arrive pas. Lady Gaga, Bad Romance, on revient juste après dans 3 minutes, dans 4 minutes même. Ah ah ah Rara, Rara, Gaga, oh la la, Wonder Romance. Wouh. C'est pas du tout le bon que j'ai mis. Petit souci. Ça va. Tom nous a dit pendant Lady Gaga. Eh bien, merci Esther, faire une année 2009 sans la Queen, excuse-moi. Eh oui, moi j'y pense. Ça arrive. J'adore l'amour, elle chante en français. Oui, je veux de son amour. Elle dit, je veux la. Ah revanche. Oui, d'accord, ok. Ça, je viens de comprendre ce qu'on me disait. 4 ans plus tard. Dit, je. Ouais, bah je oui. crois qu'elle dit, je veux de son amour. Et je savais pas si c'était, je veux ta revanche, mais bon. Ben, je savais pas parce que moi je cherche pas à comprendre ce qu'ils disent dans les chansons. Mais ça s'entend, mais elle a un gros accent anglais, c'est waouh. Oui. Alors, vu qu'on a oublié de le faire juste avant Lady Gaga, vous pouvez toujours voter pour la chanson de Black Eyed Peas qu'on s'écoutera d'ici la fin de nos petites meilleures ventes digitales. Et allez-y. Je vous refais la petite sélection qu'il y a. Pourquoi je prends l'accent marseillais moche, je ne sais pas. Ne me demandez pas. Attention, vous pouvez voter entre I Got a Feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a... Ok, je chante mal. Meet me halfway. Vous avez aussi sinon Missing You. Missing You. Et Boom Boom Pow. Vous votez dans le petit haut à droite pour choisir vrai, la chanson qu'on écoutera tout à l'heure. Ils ont fait pas mal de chansons en 2009. Ils en ont fait 4. Ouais. C'était Black M en 2010 qui en avait fait 3. Oui, oui. Donc voilà, donc c'est pas mal du tout ça. Donc vous votez dans le petit i en haut à droite et je m'empresse de le faire de suite. Laquelle j'aime bien, je ne sais pas. Moi j'ai mis Meet Me Halfway. Halfway. Ah ben j'ai mis pareil, donc vous choisissez dans le petit en haut à droite et on s'écoutera ça tout à l'heure. Alors, donc les numéros 1 des ventes en 2009. Je commence. Vas-y. En début d'année, donc presque tout le mois de janvier, du 4 au 18 janvier, c'était la moitié Amios du mois de janvier. De Jason Mraz. Non, Jason Mraz. Ah, Mraz. Mraz, moi ouais, j'ai ok, dit. On sait pas lire. Hein. We'll open up your mind and see like me. Celle-là, je me souviens, elle me gavait. Moi, j'aimais bien. Ça faisait I'm yours. Ah, bah attends, il va passer après. C'est pas maintenant, je crois. Ah non, c'est pas là. Non, c'est pas maintenant. Je sais même plus où c'est que j'ai coupé les musiques. Non, mais bien. En vrai, cette musique, elle me gavait quand j'étais j'avais petit. Je c'était 2009, je pensais que c'était plus tôt. Ouais. Peut-être, enfin, je sais pas en fait. Non, celle-là, non, moi 2009, je trouve ça bien. Ah, c'est là, attention. C'est pas ça, non. Pas encore maintenant. Attends, c'est là, attends. Là. I'm sure, il dit. Bon, c'est pas okay, grave. On découpe la chanson en 10 ans après. On va entendre toute la chanson entière. Mais c'est pas grave. Mraz de... Non. Non, c'est pas drôle, ça. Oh là là. Elle a pas compris la blague, Esther. Si, j'ai compris. Ah si, voilà. Yes, Hugo, Esther Hugo, vous connaissez, bah yes, évidemment. Yes. Évidemment, vous savez pas combien de temps on perd à se trouver ces musiques à chaque fois. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait du 18 au 25 janvier? C'était... Il y avait... Alors... Mozart l'Opéra Rock, c'est ça... vraiment un groupe que j'écoutais dans ces années-là. Et c'était à la Saint-Symphonie. Ma préférée, c'était à la Saint-Symphonie. Ah oui, c'est vrai, il y avait celle-là je aussi. Je vous mes nuits à la Saint-Symphonie. Mais là, c'est autre chose, c'est Tatoue-moi. C'est Tatoue-moi, j'aimais trop. Fais-le du bout de mes lèvres. Je baiserai tes mains. Ah mais bref, attends, voilà. Genre je viens de capter que je chantais ça à tue-tête et j'avais 7 ans, hein. Je comprenais ouais, pas je trop sais. Trop. J'étais innocente. Mais on voilà. était un peu cons. En même temps, on était jeunes. Hein. C'est vrai qu'elle était un peu hot, quoi, mais j'aimais trop. Mais c'est Mozart, tu dis, c'est Mozart, Mozart ça fait classe, quoi. Bref, elle me manque pas cette musique. Ah non, moi j'aimais trop. Du 25 au 8 février. Alors là, Tom, je pense qu'il aimait ça. Ça, c'est des... Toi, tu connais. Bah non. Là, le titre, il me dit rien, mais. Tu vas voir, ça, moi aussi, ça me disait rien, mais celle-là, on la connaît tous. C'est The Pussycat Dolls, I Hate This Part. Mais dis pas, tu te souviens pas de ça. Attends, tu vas voir le petit refrain après. Oh, quand même! Ça me dit rien, là! Attends, là! Non, je connais pas ça. Je connais pas, désolé. Oh là là. Je mérite de mourir. Toujours plus. Non, oui. Tu mérites de te faire pendre. Ah non. Oui, non mais celle-là quand même, pour pas connaître, fallait le faire. Bon bref. Ils vont jeter le jeune. Titre, peut-être que ouais, ça passait pas parce que moi je m'en souvenais pas du titre, mais en vrai, ouais, j'aimais bien ça quand j'étais petit. Je me souviens passer souvent. Bref, ah, du celle-là. 8 février au combien? Au 1er mars, donc tout le mois de février, ouais. C'est Poker Face de Lady Gaga. Qui est sorti en 2008 en plus, voilà, ouais. J'allais le dire, ouais. Qui est sorti en 2008. Je pensais que t'allais pas le dire au début, c'est pour non. ça. Mais attends, tout le mois de février, genre il aurait pu être au mois de janvier, mais c'est mois de février, c'est bizarre quand même. Oui, c'est, bah oui bah c'est pour ça, j'ai quand même vérifié, mais je trouvais ça bizarre. Non mais aussi. J'aime trop, alors on va le mettre. Mais c'était j'adore. Poker Face de Lady Gaga. Papa capa mi papa capa face. Maman. Voilà. Et d'ailleurs cette chanson Poker Face, genre c'est-à-dire personne peut lire ma double face en gros ça veut dire. Et en gros elle parle de sa bisexualité dedans. Vous savez qu'elle était bisexuelle, Lady Gaga? Ah non, ben je voilà. sais pas. Et ben en gros, elle parle, fou, quand, elle dit, quand elle dit sa double face, en gros, elle parle de sa bisexualisée. Bisexualisée, ouais. J'ai dit. Oui. Sexualité. Ah, c'est drôle, ça. Donc on bref. Se calme, ça va pas. Du 1er mars au 8 mars, c'est resté qu'une semaine et j'avais pas envie de mettre l'extrait parce que déjà, moi, je m'en souvenais pas. Esther, elle allait pas s'en souvenir. Enfin, bon, c'est quoi? Je m'en suis souvenu avec les images du clip, c'est Peps Liberta. C'était nul. Du coup, on l'a passé. Si vous vous en souvenez, bah, tant mieux. Bravo. Mais hein. chante un peu. Mais je saurais même pas te la rechanter, en fait. Ouais. Fallait pas la mettre, alors. Mais ou alors, quand même, l'extrait. On le mettait. Ouais, mais l'extrait, on n'allait pas sans. Enfin bon, bref. C'est on s'en fout. Ouais. L'extrait suivant, on va passer à la suite. Hein. Du 8 mars au 29 mars, c'était Les Enfoirés. Et la chanson, c'est Ici les Enfoirés. Je l'aimais pas. Genre, cette ils ont chanson. Été en top 1, je suis choquée. Ouais. Bah oui, bah, je suis. Ouais, aussi. Tout le mois de mars, presque. Ouais, non, mais je l'aimais pas en plus, celle-là. Elle est triste, je trouve. Ah oui, mais là, elle est triste et chiante. On dirait, elle est en train de se suicider. Quoi. Ouais, j'avoue. Faut un suicide collectif, là. Vas-y, c'est bon, ça. Comment elle a pu être en top 1 tout le monde voulait se suicider ici après. Hein. Ah oui, rejoins oui, notre suicide army. Et on dirait pas, ils sont comme ça, genre. Quand ils chantent. Rejoins notre armée, bah ouais, rejoins notre suicide army. Ici les Enfoirés. Ils sont hypnotisés par Mesmer. Ensuite, du. J'ai coupé violemment, dis donc. Heureusement. Ouais, ça méritait. Du 29 mars au 14 juin, 10 semaines, c'est resté. Alors attendez, je refusais le clip dans ma chambre avec la chanson à fond. Ça, c'était Lady Gaga. Oui, parce que les Enfoirés, non. On l'a chanté dans le jus des sortes. Dans les bus, ouais, plutôt. Ouais. La VO est largement mieux. Ah oui, bah oui, c'était une reprise d'une autre chanson, je me souviens plus le titre. Laquelle? Je sais plus. Ouais, Les Enfoirés, c'était la reprise d'une chanson. Mais en changeant les paroles. Ah ouais. Enfin bref, c'est ce qu'ils font de temps en temps, ouais. C'est oui, aucune voilà originalité, quoi. Alors bon, pendant 10 semaines, c'est Ça m'énerve de Helmut Fritz. Et je m'en souviens que j'étais en CP à ce moment-là et c'était une CM2 qui me l'avait fait écouter en cachette sur son téléphone dans la cour de récré. Et j'avais trop aimé. Oh là là. Ah oui, waouh. On vous l'avait fait écouter toute la semaine dernière aussi. Et pour ça, pour fêter ça, ben on va se l'écouter en entière parce voilà qu'on voulait l'écouter en entière, on l'a pas fait la semaine dernière. Du coup, c'est parti, c'est maintenant, on revient juste après. Ça m'énerve. Yes. On s'est ambiancé, dis donc. Oh, et bien. Oui, on l'écoute en entier ou on l'écoute entière, pas en entière. La personne qui m'a dit ça se reconnaîtra. Je la connais toujours par cœur, je suis choquée, dit Thomas. Et ah ben... ouais, mais moi aussi je la connais par cœur, ça là évidemment. Vous avez fait le N'oubliez pas les paroles la semaine dernière dessus. Au niveau des macarons. Voilà. Bastien vient de nous rejoindre. Bienvenue à tous ceux qui arrivent, hein, qui ne chattent pas forcément. Vous avez totalement le droit. N'oubliez pas de nous suivre aussi, évidemment, sur les réseaux sociaux parce qu'on va vous annoncer aussi la date à laquelle on arrivera sur Alter Radio. De toute façon, ça s'affiche sur votre écran qu'on arrive sur Alter Radio prochainement. Donc, oui, on vous dira ça sur les réseaux sociaux en exclu. Voilà, on n'a pas encore la date, mais on le saura très bientôt. Voilà, je peux vous aider. Bah non, je t'ai pas sonné. Le 2, bah on re... Merci Esther pour cette vocalise extrêmement bien. Alors Boum Boum Pow, c'était de quand à quand? Du 14 au 28 juin. Attends, on passe... Ah oui. Ah mais je viens de capter, on passe du 29 mars au 14 juin. C'est parce qu'il est resté vraiment hyper beaucoup. 10 semaines, numéro oui. 1. Ah ouais. Et bah voilà. C'était les Black Eyed Peas. Les Black Eyed Peas. Pendant une semaine, deux petites semaines, voilà, c'est donné ça. On vous fait écouter cet extrait depuis tout à l'heure. Hein. Les résultats du sondage, on les fera dans 5 minutes. Yes. Boum boum boum. Voilà. Quoi. Mais moi je m'en souviens pas de cette chanson. Hein. Ah si, moi je m'en souvenais, mais bon, c'était loin d'être ma préférée, quoi. Ouais, il y en a des mieux, quoi. Ouais. Du coup, en 28 juillet, au 12 juillet, évidemment, la mort de Michael Jackson, ses chansons sont redevenues numéro 1, notamment celle-là qui est du 28 juin au 12 juillet, Billie Jean, qui était sortie en 82, c'était ça. Faut qu'on arrête de faire des imitations. Tu t'es reconnu Bastien? Non, c'était pas Bastien qui m'avait dit ça tout à l'heure. Je les ai découvert avec celle-là. Ah, des Black Eyed Peas? Non, moi c'était avec I Got a Feeling. Qui était quand même. Oui, moi aussi c'est I Got a Feeling. Ouais, il y avait une année où ils étaient restés. C'est laquelle où ça fait Tonight, Tonight? Bah, c'était celle-là. C'est I Got a Feeling? Ouais. Ah bon, bah ça va. Si tu l'avais tout à l'heure, faut voter. Bah, en fait, j'ai mis l'autre. Ah, tu sais que tu peux toujours changer, hein. Ouais, mais non. Le suspense, d'accord, le suspense jouera. Du combien au combien, il y avait quoi, Esther? Alors, dis-nous tout. Il y avait Pitbull, I Know You Want Me, du 12 juillet au 9 août, donc bah, à peu près 3 semaines. Et celle-là, j'ai jamais su son titre, mais je l'ai toujours en tête, mais genre, c'est un peu bizarre. C'est le moment où ça fait 1, 2, 3. Enfin, de toute façon, vous allez l'entendre tout de suite. Là. Attention, extrait. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, I Know You Want Me. Le moment où il fait 1, 2, 3, 4, uno, dos, tres, quoi trop. Mais ce moment, je l'ai H24 en tête, je sais pas pourquoi. Ah ouais, moi non. Mais ouais, mais non. Mais... Ah oui, mais celle-là, ça me dit trop un truc maintenant. I know you want me. Regarde. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Celle-là, je me souviens pas du 1, 2, 3, 4. Ah si, celui-là, il me gonfle. Mais je sais même pas pourquoi je l'ai en tête, pourtant, parce que je l'écoute même pas. Donc bon. Bref, bon. Voilà. Mais c'était Pitbull qui était toujours très populaire à l'époque, hein, parce que maintenant. Ouais, bah ouais, moi j'aimais trop celle. Il l'a complètement oublié. Des Men in Black. Je vois pas. Enfin, ouais. Mais après, je crois qu'il s'est arrêté. En 2013, on avait passé un extrait pour la Coupe du Monde. Non, c'était pas en 2014 alors. C'était We Are Ola, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. C'est la dernière fois que je l'ai entendu. En fait. D'ailleurs, on a oublié de vous dire un truc. On a trouvé la. Enfin, on nous a dit la reprise des Enfoirés. Enfin, quelle était la musique originale. Et c'est celle-là, faut qu'on la mette. Attention, on va l'écouter. C'est Status Quo in the Army Now. Si ça marche. Oui, aussi, oui, avait envie de se suicider. Hein. Ici les enfoirés. Oui, bah oui. Ouais, je la connais en fait. Elle est sortie quand? Elle est sortie, il n'y a pas la 86. Ah. C'est vieux, dis donc. Ouais. Ah, bref. Enfin bref, voilà. On va se suicider. Remontons un peu dans les années 2019. 2009. Avec 2009, oui, plutôt. Avec une chanson que forcément tout le monde connaît. Tom Frager, Lady Melody. Tom Frager. Ah, Frager ? Ouais, ça se dit Frager. Je voulais faire l'anglaise. Est-ce que de nom, tu t'en souviens ? Non. Ah non, alors celle-là, mais tu dois vraiment t'en souvenir, celle-là, c'était... Attends, j'ai pas dit comment elle était. Tout le monde la connaissait. Du 9 au 23 août, donc vas-y. Tout le mois d'août, à peu près, donc ouais, c'est long. Ouais. Donc, mais vas-y, c'était mets-la, la chanson du mois d'août. Pourtant, elle n'était pas si terrible que ça, mais attention, vous allez écouter, vous allez juger par vous-même. Elle est dans ma tête, elle ne m'abandonne jamais. Je la trouve encore plus belle quand elle s'habille en reggae. Elle me suit. Mais oui, je la connais. Évidemment, ça tu vois. Date. Mais ouais, putain, c'est Tom Frager, quoi. Ah oui, et moi, comme le titre et le nom, il est en anglais, je pensais que voilà quoi. Ah oui, c'est vrai, j'avais même pas fait gaffe, c'était de l'anglais. Bref, tu fais bien les cris. Ah oui, bah oui, je sais que je crie très bien. Je suis imitateur pro de Michael Jackson, tout le monde le sait. Là. Pitbull, je l'avais réécouté depuis. Je l'avais pas réécouté plutôt depuis 2009. Encore une musique des années 80 qui est reprise. Ah, mais en plus, en ce moment, c'est vraiment... Alors, dans l'électro, ça se reprend énormément, les titres un peu funky, tout ça. Mais je trouve que ça rend super bien. Enfin, c'est... Bon, bref, voilà. Oui, c'est bien. C'était la petite minute électro du go. Non, mais oui, mais c'était pas de l'électro. Non, mais je veux dire, en ce moment, en 2019, t'arrêtes de péter tout. Esther et Kazo. Enfin, bref, Tom Frager. Oh, my ex-crush. Melody. Non, mais je sais pas pourquoi on aimait tous cette chanson à l'époque. Oui. Pourtant, elle est pas si terrible que ça. Hein. Enfin, je sais pas. Non, elle est pas hyper ouf. Ouais. Oula, mais il y en a la une prochaine... là de... qui est restée du 23 août au 1er novembre. Ah, donc, celle-là. Deux mois. Mais c'est pas étonnant, c'est David Guetta aussi. Ouais, donc c'est David Guetta, feat. Akon, Sexy Bitch. Yes, tout le monde la connaît celle-là et on la passe même encore en soirée. She's nothing like a girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. I'm trying to find the words to describe this girl without being. Celle-là, elle passe toujours en soirée maintenant, évidemment. Ouais, mais en fait, ça faisait... C'est nos musiques de jeunesse. Hein. À l'époque, ça marchait énormément parce que c'était le début des électros comme ça qui faisaient danser, tu vois. Ah bah, David Guetta, il est toujours dans les numéros 1, hein, maintenant. Oui, ouais. Mais David Guetta, ouais, c'est l'année au même temps. Mais en fait, il s'est fait connaître avec I Got a Feeling. Donc du coup, là, c'était parti. Là, wow, il est parti, en envol. D'ailleurs, en 2010, on avait vu, il en avait fait 3, je crois. C'est pas sexy, donc, bitch comme B-E-A-C-H, hein, c'est... Voilà, enfin, bitch comme ça, oui. Ouais, parce voilà. Que bitch comme ça, c'est la plage. Qu'on préfère le mot... c'est bitch, B-I-T-C-H. Voilà, putain. Je sais. Je suis beaucoup trop violent. Oui. Cette chanson va plaire à Monsieur Bastien qui viendra faire son petit coucou tout à l'heure. Celle-là, je l'avais complètement oubliée jusqu'à ce qu'on me la rappelle. C'était... elle a duré de quand à quand ? Le mois de novembre, du 1er au 22. Voilà, c'est Jenali, j'aimerais tellement. Mais en fait, je me souviens du clip et tout, il était trop triste un peu. Genre, ah bon, ouais, de toute façon, vous allez peut-être, ça va peut-être vous revenir avec l'extrait. Attention, extrait d'un 3, 2, 1. J'aimerais tellement te dire ce que veut mon cœur, mais je n'ai plus les mots. No. J'aimerais tellement te dire. Ouais, ça me dit rapidement quelque chose. Le clip, en fait, c'était mi-dessin, mi-un clip où ils étaient sur une voiture avec de la fausse pluie et tout. Mais genre, ouais, le clip, je m'en souvenais. Eh bien. Je n'ai plus les mots. Oh. Enfin bref, c'était un peu triste, mais ça va encore. Parce que c'est triste, mais ça bouge un peu. Enfin bon, bref. Oui, voilà. Bref. On va pas décrypter les musiques, on n'est pas et là ensuite, pour ça. Ensuite, ah, cette chanson. 22 novembre jusqu'à la fin de l'année. Je l'ai kiffé. Edouard Maya et Vika Gigulina. Bastien qui nous dit PTDR, j'aimerais tellement. Ah oui, tu vois, David Guetta était... Non, il a été vraiment connu mondialement avec I Got a Feeling. Voilà, et c'est tout. Ouais, David peut-être. Guetta, oui, j'avais vu ça dans une interview. Bref, Edouard Maya Stereolove, oulala. Tu t'en souviens du nom ou pas? Non, le nom, ça me dirait. La musique, vas-y. Tu vas peut-être t'en souvenir, il y a de fortes chances que tu t'en souviennes. Attention, sûrement. Extrait. Ah, bien sûr que je m'en souviens. Eh oui. Je suis étonné qu'elle soit pas sortie l'été, celle-là. Mais ça, j'ai l'impression que c'est une reprise des années 80 un peu, non? C'est un sample ou un truc comme ça? Si, oui, ça doit être ça aussi. Oui, j'avais déjà vu. Si, ça doit être ça. Les vieux, si vous connaissez, hein, dites-nous. Je crois que c'est un sample, ouais. Je suis trop méchant. Non, mais cette chanson était tellement bien. Ouais. on n'a pas compris. Ah, ça doit être pour ces soirées Fuck Me, I'm Famous à Ibiza. Je vois que ça, hein, F, c'est avec quoi, trois petits points. Bah, c'était les soirées de David Guetta à l'époque, hein, j'imagine. Ah. Bah, il est toujours à Ibiza maintenant. Celle-là, elle me dit. Ah ouais, mais celle-là, elle est vraiment quand même bien comme chanson. Le défi avant la fin de l'année, c'est de la remettre populaire pour l'été. Non, je déconne. Bien sûr. Truc impossible. Ouais. Mais elle était grave bien. Maintenant, on va voir laquelle vous avez choisi des Black Eyed Peas. Moi, je continue à chanter. Oh là hein. Là. Est-ce que je serai pas le mec lourd en soirée totalement? C'est exactement ça. Les résultats du sondage Meet Me Halfway. Ouais, qui remporte avec 66%, 22% pour I Gotta Feeling, 11% pour Boom Boom Pow et 0% pour Missing You. C'est triste, les pauvres. Bon, de toute façon, ils ont fait 4 chansons, ça revient. Allez, on s'écoute Meet Me Halfway. En entier, et on revient pour N'oubliez pas les paroles avec 5 chansons. Et vous rappelle, il y a un gagnant chaque mois. Et aujourd'hui, ça recommence à zéro. Voilà, ça recommence et à du zéro. Du coup, Esther n'aura pas de mal à compter, contrairement à la dernière fois. Bah, peut-être on va que éviter oui, d'en reparler. Mid Me Halfway, on revient juste après. On est là jusqu'à 19h. J'avais oublié, ça terminait comme ça. Oh là là. Ouais, mais elle a fini de chanter là, madame. Oui, je parle, on est en direct. Ah! Oh my god! Oh là là, Esther n'a pas compris. Bon. Je vois bien qu'elle ne parle plus là. Enfin, t'entends bien plutôt. Oui, qu'elle... mais je pensais que t'attendais 10 secondes, mais oui, t'as raison en fait. Eh oui. Mais elle est longue cette chanson. Hein. Ouais, elle est longue à terminer. Attends, il y a 30 secondes à la fin. Enfin, c'est pas trop tôt, c'est parti pour N'oublier pas les paroles. Yeah. Notre petite trompette du samedi soir est de retour. Alors, on a 5 chansons au programme. 2 chansons anglaises, 3 chansons françaises. Et la meilleure chanson sortie en 2009 cette année. Enfin, sortie en 2009. Vous allez trouver, parce que c'est complètement débile, hein. Il n'y avait que moi pour faire ça. Oui, c'est gênant. Quand j'ai vu qu'il l'avait mis, je me suis dit non. Mais ça met un peu d'humour, un peu de joie, un peu de bonne humeur. Oui, oui. Je vous dis pas le titre, vous allez vite fait deviner. Bon. Un indice, Francky Vincent. Qu'est-ce qui le manque? Qu'est-ce qui le manque? Je sers. Moi, je vous ai fait l'intonation. Il y a 4 mots à trouver, c'est hyper simple. 4 mots. C'est, et en plus, c'est les mêmes. Donc, si vous trouvez pas là, c'est que vraiment. Vous êtes nuls. Mais non, vous êtes pas nuls, mais bon. C'est la trompette du dimanche soir. J'ai dit du dimanche soir. Hein. Bah si, dis ça que c'était du samedi soir. J'ai dit samedi soir. Sûrement. J'ai pas entendu moi. S'il faut, on va même vérifier. Bah non, je peux pas. J'allais dire on va vérifier, mais non, je peux pas vérifier. Ah si, attends, je peux vérifier peut-être. Non, je ne peux pas vérifier. C'est trop tard. Alors, on nous dit oui. Oui. Inès qui a l'air de bien connaître la chanson, hein. Oh. C'est méchant. Non mais en vrai cette chanson bon c'est un peu débile, c'est jamais passé à la radio. Mm. Heureusement d'ailleurs. On a C'est mon zizi, on a Terre Fouibo. Ah non. Non, c'est pas une proposition. Est-ce que vous avez mis les bonnes réponses? Attention, on écoute la bonne réponse. Tout le monde. Ouais. Oui, je vais te le donner. Faut qu'on s'arrête, oh là là. Évidemment, Tom, Inès, Bastien ont eu la bonne réponse. Ça me fait un point. Monsieur Blagababa n'a pas eu la bonne réponse. Étonnant parce que je l'ai chanté il y a 3 jours. Mais c'est niveau intellectuel très élevé, hein, cette chanson. On va pas dire que ce Bazir Radio a un niveau intellectuel très élevé, donc non, ça le baisse pas tant que ça, finalement. C'est vrai. Le retour de la trompette, on va pas laisser ça 300 ans, hein. Alors cette chanson, c'est moi qui voulais la mettre. Ah oui. C'est Alicia Keys et Jay-Z, Empire State of Mind. Celle-là, vous l'avez forcément connue. Celle-là, je la chante toujours 2009, d'ailleurs. Elle est toujours dans ma tête, des oui, fois. Oui, mais elle est hyper. Enfin, c'est ouais, vraiment, c'est... elle est restée emblématique. C'est waouh, quoi. Et en plus, c'est hyper simple à trouver. Il y a et ça m'étonne mots. Qu'elle n'était pas dans les numéros 1. Ouais, ça m'étonne aussi, mais c'était en France, les numéros 1. C'est peut-être pour ça. Ah, oui. Tu vois. Du coup, il y a 3 mots à trouver. C'est super simple. C'est au moment du refrain. Si vous ne trouvez pas, c'est que pas vous êtes nul. Et que vous viviez dans une grotte. Attention, extrait. Nigga, I be spiked out. I could trip a referee. Tell by my attitude that I'm most definitely. Ah, ben ça coupe déjà, hein. Les gens, on va trouver. Ah, si, c'est au refrain. C'est pas un rap. Indice, c'est au refrain. Ouais. Voilà, c'est pas. C'est Alicia Keys qui chante la partie que vous devez trouver. Voilà. Bon, on va arrêter. 3 mots à trouver, c'est super simple. En vrai, celui-là de N'oubliez pas les paroles, je l'ai fait très simple, à part peut-être la quatrième. Voilà, ce sera un peu plus compliqué. C'était pas la chanson la plus connue du monde, elle est française déjà, mais c'était pas la plus simple. Alors on a New Tom York. Qui nous dit In New York, Inès qui dit It's New York, et Bastia qui dit New York. On avait dit 3 mots, les gars. Donc voilà. Est-ce que c'est les bonnes réponses? Ah, Bastien qui rajoute hits. Attention, est-ce que c'est la bonne réponse? Réponse maintenant. In New York, c'est in et pas it. Voilà, enfin. C'est in. Donc je compte le point que à Tom, désolé, ça fait 2 points à Tom. En vrai, ça aurait pu le faire aussi, mais non, c'est in New York. Attention. New York. Bref, retour de la trompette. Je coupe cette ça tellement chanson. Violemment. Oui. Faut que je me calme. Cette chanson, Où je vais de Amel Bent, comment ah, je la kiffe. Ah, celle-là, mais vraiment, vous la connaissez tous. Si vous vous plantez dans les paroles. Alors, si, c'est un piège, celle-là. Celle-là, il y a 8 mots à trouver, mais c'est un piège. Parce que moi, je me serais planté dans les paroles. Oh. Chaton, salut, désolé, ça va se terminer, mais je vous fais des bisous au moins. Mais non, ne t'inquiète pas, ça se termine encore. Il reste encore 3 chansons. On est en retard. Pour, voilà. Ça, pour tout vous tu dire, peux on est en retard. N'oubliez pas les paroles. Donc ouais, tu peux te rattraper. En plus, on a recommencé à point 0 pour le mois de février. Attention, extrait de Amel Bent, c'est un petit piège. Mais il y a 8 mots à trouver. 8 mots, pas un de moins, pas un de plus. Voilà. Donc, attention, extrait. Mais est-ce vraiment ce que je veux ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Où je vais ? Ce poème. Ah là là là là là. Oui, j'aurais pas trouvé, oui. Oh, vous êtes beaucoup trop. On au moins, c'est dur. Déjà, au moins, c'est dur, il y a deux. Mais moi, je connaissais les paroles, mais à moitié. Genre, le début, je connaissais, mais à la fin, non. Donc voilà, c'est le petit piège. Et ben qu'est-ce que vous aurez chanté aujourd'hui? Ah ouais, mais aujourd'hui, je sais où pas je ce qu'on a. Oui, je suis en retard. Ah ben, tout le monde est en retard aujourd'hui. Évidemment. Du coup, est-ce que vous allez trouver le suspense est à son comble? Pourquoi je prends ma voix grave comme ça? Ouh. C'est pour mettre un peu de suspense. Non, en vrai, moi, j'aurais trouvé, mais pas tout. Est un adieu à ce que j'étais, nous propose Tom. Est-ce que c'est la bonne réponse? Est-ce que ce n'est pas la bonne? On ne sait pas. Ah ah, tadam. Oui, on ne sait pas. D'ici quelques semaines, on aura le téléphone pour jouer. Vous pourrez faire un appel au chat aussi si vous n'avez pas la bonne réponse. Donc, d'ailleurs, le numéro de téléphone, n'hésitez pas à l'enregistrer déjà dans votre téléphone, il est sur la page Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Il faut nous suivre impérativement, c'est écrit en haut. Donc on vous met toutes les diffusions, tout ça, on vous met plein de live. Donc j'ai tant rêvé. Bastien nous avait proposé pareil que Tom est un adieu à ce que j'étais. Attention, on écoute la bonne réponse. Mais est-ce vraiment ce que je veux ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Où je vais ? Ce poème est un adieu à ce que j'étais. Voilà. Pourquoi moi ? Je ne sais pas. Je connaissais pas la suite. c'est pour ça que j'ai arrêté de chanter. Alors, je bah... pense qu'ils ont triché, Tom et Bastien. Non. Ouais, ouais. Heureusement qu'on fait pas gagner des enceintes. Hein. Pourquoi non, des alors, enceintes, des cadeaux tout court en fait. Non, c'est le premier truc qui m'est venu bien, à l'esprit. Ouais. Ouais, mais on a pas de sous. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu, on évidemment. Pas et d'ailleurs, bientôt, oui, on ne sera plus sur YouTube d'ici quelques semaines aussi. Donc, je pense qu'à partir de mars, on sera plus sur YouTube. C'est une estimation. Donc, faut vraiment nous suivre sur les réseaux sociaux parce que les lives où vous pourrez chatter seront sur les réseaux c'est sociaux. Affichés sur Instagram, à votre écran. Facebook, Twitter qui en sont haut. Écrits en haut. Et voilà, de toute façon, on vous réexpliquera tout ça. C'est ce Bazir Radio tout le temps, tout le temps. Voilà. voilà. Voilà. C'est, ouais, c'est, ouais, c'est vrai que c'est pas compliqué. De toute façon, bon, après, avec le logo. Personne n'a ce nom, en fait. Hein, oui, voilà. Vous cherchez Space Radio sur Google, vous tombez que sur nous. Donc, c'est simple. Carrément. Moi, non, Amel Bent, je la connais par cœur. Ah. Ça fait. Attention, c'est le retour du refrain. Car c'est vraiment ce que je veux. Qu'est-ce que j'ai fait ? Où je vais ? Ce poème est un adieu à ce que j'étais. Pourquoi moi ? Je ne sais pas. Bref, voilà. Alors je récapitule les points. Ça fait un point pour Inès, deux pour Bastien et trois pour Thomas. Yes. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il nous... Ah, il est outré que tu l'as accusé de triche. Je te la chante en anglais si tu veux. Hein. Non, ça va aller. ensuite, nouvel extrait. J'ai pas mis la trompette là, mais pff, ouais. On l'a déjà assez. Oh. Ah mince, attendez. Je peux pas couper Amel Bent là. Voilà, c'est bon. Je ne pouvais pas couper Amel Bent, j'avais pas tout prévu. Voilà, attention. Extrait de Magic System, même pas fatigué. Il y a 5 mots à trouver. Je vais dire la réponse. Ah. Ouais, vous allez trouver, évidemment. Vous pouvez même le faire par déduction. Attention, extrait. Qu'est-ce qu'il manque comme parole? Si, en fait, elle me dit quelque chose, cette chanson. Mais en plus, vous pouvez le faire par déduction. Ah là là, ça oublie les fondamentaux. Ah bah oui. ils ont oublié de te dire ça aujourd'hui. De quoi? Ah oui, ils ont oublié. Ah oui, mais oui, mais oui. Alors pourquoi vous arrêtez YouTube? Tout simplement parce qu'on va être sur Alt Radio, qui est une web radio, donc on pourra nous écouter. J'ai vu, en plus, on peut nous écouter sur la TV d'Orange. Sur vous allez sur les radios, vous pouvez nous écouter sur la télé d'Orange. Vous pourrez nous écouter sur Deezer, sur le site Alt Radio, sur une application qu'on vous donnera. Sur les lives Periscope. Enfin, parce que c'est Twitter, ouais, Periscope. Les Insta Live, ouais, c'est ouais, ça. Insta les, Live. Facebook Live. Voilà, surtout les réseaux. Voilà, et on vous réexpliquera tout ça. On vous fera même une petite vidéo qu'on vous mettra sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Et dans les petites podcasts Spotify, parce qu'ils risquent de changer d'endroit aussi. Et d'ailleurs, les podcasts seront disponibles encore plus d'endroits, en fait. Voilà. Tout simplement, on vous réexpliquera tout ça en temps et en heure. On vous donnera la date sur les réseaux sociaux. Donc, il faut nous suivre impérativement. Bastien qui nous propose... attends, si la prof savait que vous... ouais, fallait pas dire ça. Ce soir, faut danser. Bastien nous propose ça. Chaton aussi. Sandrine aussi. Ah bon, ça nous intéresse, la télé d'Orange. Ah ben, j'écouterai sur ma TV MDR. On pourra plus discuter avec vous. Si, comment si, elle sur... sait, ma mère? Si, sur les lives Facebook, Instagram et Twitter. Et voilà, sur... c'est pour chatter, et avec oui, le hashtag Space Radio et tout ça. Donc voilà. Bah non, vous nous verrez jamais en vidéo. Non. Vous pourrez pas, parce qu'on peut pas, tout simplement. Et ça parce coûte qu'il trop veut cher. Pas, Hugo aussi. Non, mais en vrai, ça me dérangerait pas en soi, mais ce serait galère, on pourrait pas. Donc voilà. Voilà, ce serait trop compliqué à faire en place et on n'a pas les sous. Déjà, acheter le même micro que moi, Esther, ce serait pas mal. Comme ça, on aurait le même son et tout, mais bon, on n'a pas 500 000 euros hein, non plus. Donc faites des dons, n'hésitez pas, on vous envoie notre je sais pas comment on fait. Oui, des... Thomas, on sait je que sais pas comment on fait faire là. Des dons. Ah mince, Thomas, je l'ai pas vu. Ah oui, d'accord. Okay. Si, moi j'ai vu, j'ai noté. J'avais pas vu. Bon, ah, bah on écoute la bonne réponse parce voilà. Que là on blablate, mais voilà. Attention. Attends, elle a dit vous venez de le dire, Esther. De quoi? On a dit quoi? Qu'on aimerait bien nous voir en vidéo. Peut-être on parlait de ça. Si maintenant toutes les radios sont filmées. Ah oui, d'accord, non, je sais pas. J'ai pas compris. Bon, j'ai bref, pas compris, on bon, écoute allez. La bonne réponse le temps que Sandrine s'explique dans le chat. Attention, bonne réponse dans 3, 2, 1. Ce soir, il faut danser. On va tout donner. Yeah, yeah, yeah. Enfin, du coup, ça fait 3 points pour Bastien, 1 pour Inès, 4 pour Thomas, 1 pour Sandrine et 1 pour Chaton. Voilà. D'ailleurs, Sandrine, ça m'étonne comment elle connaît les paroles, en fait. Parce que même ma sœur, elle connaît pas, elle était trop petite. Ouais, oui, ta sœur, ouais. Excuse-moi, Tom. Non, mais parce que j'avais pas lu, en fait, ce qu'il y avait juste avant. Genre, par exemple, le... Non, mais moi, j'ai noté. Le oui, tout fou le camp, Chaton, je l'avais pas lu non plus. du coup, bah, t'as dit les points, évidemment. Voilà, et c'était... Donc, elle a dit, oh, c'est triste quand même, que oui, c'était vous serez sur la télé moi, d'Orange. Que oui, oui, Esther, vous l'avez dit. D'accord, ok. Sur la TV, c'est pratique, oui. Vous pourrez pas chatter, mais vous aurez le son sur... si vous avez un home cinéma et tout, vous aurez un son de... Waouh, quoi. Ouais. De waouh. Oui. En plus, la qualité de son risque d'être augmentée aussi. Bon, bref, voilà. Ah, mais attends, je viens ça. De comprendre le quiproquo. En fait, je lui ai dit comment tu sais, et Sandrine, et je parlais en fait de comment elle sait la réponse de Magic System. Et elle a cru que je disais comment tu sais qu'on sera sur la télé Orange. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'elle dit, ah, ça y est, le quiproquo, quoi. Waouh. Waouh. D'accord, ok. Moi, j'avais pas compris non plus. Je crois que j'avais capté. Mais du coup, donc, j'attends qu'il dise aux sectrices quand même, c'était pratique pour moi sur YouTube. Oui, mais enfin, je pense qu'on aura plus d'auditeurs. Non, mais, non, mais peut-être il y aura sur YouTube aussi, on sait pas encore. De toute façon, on vous dira tout ça après. En tout cas, on aura tous les chats cumulés, Facebook, Insta, Twitter. Ouais, on les aura tous en même temps, donc on ne loupera pas vos messages. Du coup, on n'aura pas trop le nombre d'auditeurs, hein, vu qu'il y a plusieurs applications, ils pourront nous occuper. Ouais, on n'aura pas le nombre d'auditeurs, mais ça, est-ce qu'on s'en foupait un peu? Oui. Voilà. Totalement. Et on aura le téléphone aussi. Voilà. Wow, avant de passer à la, oui, bah, avant de passer à la dernière Esther musique, Veil, ça me fait trop pitié. Je n'oubliais pas les paroles. Ça me fait trop pitié. Ça me fait trop plaisir. Qu'est-ce que j'ai dit? Lapsus révélateur. Non, avant de passer à la dernière, qu'est-ce que tu manges, toi? Oh, ça a l'air trop bon. J'ai envie d'aller manger. Je sais pas, mais ça a l'air trop bon. Bref, oh, des wraps. Bon, bref, vous savez que je mange des wraps après. Je croise les doigts pour vous, je vous souhaite c'est que le meilleur. Merci, chaton. Avant de passer à la dernière musique, on va passer à une chanson que Esther voulait mettre. Je voulais trop, je l'aime trop. voilà, je suis trop contente. C'est Fuck You de Lily Allen. Et j'aime trop cette chanson. Trop contente de dire Fuck You. Oui, Fuck You Very Much. Celle-là, vous l'avez tous connue et tout ça. Ben, on l'écoute juste après. On passe à la dernière chanson. Mais n'oubliez pas les paroles qui est David Guetta. On vous tease tout ça. On se retrouve dans 3 minutes. Fuck you. Fuck you. On n'a jamais été aussi content de dire des gros mots. Et je trouve elle est trop en mode j'en ai rien à foutre cette chanson, genre ouais. J'ai l'impression que elle l'a fait elle comme ça, elle avait envie Fuck you. Elle avait envie de tout balancer. On remet la trompette. Alors voilà. Il reste une chanson pour n'oublier pas les paroles et le mot est très facile. Yes, on va vous lire. Attendez, on vous lit un peu vos commentaires. Ah oui. Tu m'accuserais pas d'avoir pompé sur les autres pour la réponse des fois. Je t'accuse parce que je sais très bien qu'il y a du retard entre. Enfin, vous avez le chat plus tôt que la diffusion, donc pas forcément copié, mais je t'ai mis le point quand même. Une hymne cette chanson, Thomas. Bah oui, évidemment. Oui. Elle a mauvaise haleine. Je vous laisse faire le rapprochement entre Lily Allen et la blague. Content de dire des gros mots à l'antenne, évidemment, toujours. C'est dommage de pas avoir le nombre d'auditeurs quand même, même peut-être, mais peut-être que la web. Alors certainement qu'ils l'auront, mais en soi on s'en fout un mais peu. Mais en fait parce que... on l'aura pas parce qu'il y aura tout truc simultané et puis ouais, sur c'est... Deezer on peut pas avoir les auditeurs. Non si mais en fait si tu veux ce sera le même lien qui diffusera un peu partout. Enfin bon bref je t'expliquerai ça. Voilà. Sandrine, si tu veux passer à la maison que je t'explique, fais-toi plaisir. Des milliers d'auditeurs, oui, une audience internationale. Bon, on peut nous écouter dans le monde entier. Si vous êtes aux États-Unis, là, en vacances, vous n'avez pas d'excuses, vous pouvez nous écouter. Oui, tu aurais peut-être raison de te méfier. On passe à la dernière. Oh, mince ! Non, on peut pas passer à la dernière. Pourquoi ? Alors, attendez 2 secondes, parce que j'ai pas du tout préparé l'extrait. Mais j'ai pas compris, tu devrais te méfier d'Esther ? Non, toi, tu devrais te méfier de qu'elle triche pas. Ah, voilà, je savais. Bref, c'est bon, l'extrait est prêt. J'avais complètement zappé de le mettre. Pourtant, je l'ai écrit en plus sur le programme. Mais alors, bon. Bah, d'ailleurs, j'ai pas dit, c'est David Guetta, When Love Takes Over. Oui. Ouais. Et Feat Kelly Rowland. Et là, ça connais me dit pas son rien prénom. Du tout. Oui, non, mais le titre, ça me dit rien du tout. Mais le mot, il y a un mot à trouver. C'est hyper simple, vraiment, parce que je savais pas où couper. Dans le point donné, donc, quoi. Ouais, voilà, carrément. Lui, on vous le donne. Voilà. Attention, c'est parti pour l'extrait. Quel est le moment quand non, je oh la connais là pas là, trop je cette chanson, donc hyper moi, faux. Moi j'aurais pas trouvé perso. Hein. Ah bon, ouais, il y a un mot. Qu'est-ce qu'ils font souvent les gens après bon bref, après on va donner la réponse. oui voilà, bon oui. combien de points déjà? Récapitule les points. Une bombe cette chanson. Évidemment. Ah oui les points, donc 1 pour Chaton, Sandrine et Inès, 1 point. 3 points pour Bastien et 4 pour Thomas. Yes. Alors Thomas qui dit yeah. Est-ce qu'il parle il dit yeah parce qu'il a 4 points ou parce qu'il en... parce que c'est les paroles. Suspense. Isa aussi, Chaton Game nous propose aussi ça. Ah bah c'est Bastien, d'accord, ok. Super. Ça change les comptes maintenant. Fait du trafic de comptes. Tu sais, c'est comme les comptes Netflix. Je compte quand même les points. Du coup... Oui, vous avez le droit de faire un boulot collectif, hein, si vous avez envie d'avoir plus de points. De toute façon, vous gagnez rien à la fin. C'est juste pour le fun. Et attention, on écoute la bonne réponse. Yeah. Yeah. Oui, on savait, Thomas, que c'était une proposition, mais c'était pour laisser le suspense sur ce que Esther a fait. Oui, en fait, depuis j'ai fait que une je blague pas drôle. Oui, mais non, mais c'est bien, au moins t'as laissé le suspense. Voilà. Du coup, Thomas, chaton, Isa ont la bonne réponse. Blague à papa aussi, donc, il a la bonne réponse. Ça fait 4 points pour Bastien, 1 pour Inès, 5 points pour Thomas, 1 point pour Sandrine, 2 points pour chaton et 1 point pour blague à papa. Et c'était pour la chaton, dernière pas chanson. Oui, bon, mon accent d'ici a pris le dessus. Bon, pour Charlène, quoi. c'est une. Oui, mais il y a aussi pour tes points, évidemment. Donc, notre grand champion ce soir, pour l'instant, c'est Thomas, avec 5 points. Vous pourrez vous rattraper évidemment tout le long Thomas, du mois de février. Il a été trop fort ce N'oubliez pas les paroles. Ouais. On dirait qu'il a arrêté le temps, qu'il a regardé les paroles et qu'il a écrit après. Waouh. Passionnant, Esther, ta vie. Voilà. C'est la fin, à un quart d'heure en retard, hein, mais bon, vous avez l'habitude avec nous. Oui. On finit un quart d'heure en retard, mais c'est pas grave. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux Sbazi Radio, la page Facebook, Instagram Sbazi Radio toujours et Twitter Sbazi Radio toujours. De toute façon, vous avez les liens dans la description si je ne me trompe pas. On va vérifier ça de suite en direct parce qu'on fait tout en direct. Sinon, ce serait pas amusant. Ce serait. Ça, c'était sûrement. Le seul moment où le live se lance, on entend Esther râler. C'est toi qui m'as insulté. J'ai pas fait exprès. Mettez un pouce bleu au live avant. Vous avez tous les réseaux sociaux dans la description. Voilà, et vous avez notre Twitter personnel avec. En plus, ouais, vous avez tout. Et mettez un pouce bleu au live. Vous nous suivez. T'as un bel accent. Ah, ça me dérange pas. Moi, j'ai un bel accent. Non, moi. Quand j'ai dit châtain. Ah, d'accord. Oui. Voilà. Ok, c'est The Flash, en fait. on aime bien quand vous finissez tard. Ouais, bah écoute, oui. Oui, oui. Esther, j'aimerais bien arrêter le temps. Oui, bah tout le monde, je pense, aimerait bien. Ouais, et du coup, on va se laisser sur Rude Boy de Rihanna. Yes. On peut pas parler des années 2010 sans mettre Rihanna, 2009. En fait. Oui, non, mais je sais, j'alentoure. Okay. Sans mettre Rihanna, c'est la queen des années 2010. Donc voilà, on met Road Boy et on vous laisse à la semaine prochaine. Voilà, on se retrouve la des semaine bisous. Prochaine. On vous dira, alors peut-être que la semaine prochaine, on aura la date à laquelle on arrive sur Web Radio. On espère. En tout cas, n'oubliez pas qu'on y sera très prochainement. Je redis encore une dernière fois, les réseaux sociaux. Le replay sera très bientôt dispo sur Spotify, tous les trucs du genre. Enfin, qu'est-ce que je dis ? Sur Spotify, Google Podcast, pas tout non plus. Hein. Sur YouTube aussi, peut-être, avec un peu de chance. Mais c'est quand même plus confortable sur Spotify, Google Podcast. On vous laisse avec Rihanna Rude Boy. On finit avec vos petits commentaires. The Flash, I love this name. Yes. Les vacances à la fin de la semaine. En plus, évidemment, qu'on en parlera la semaine prochaine à 18h, dimanche, évidemment. Oui, Esther, mais toi aussi, Hugo. Ouais, j'ai pas trop l'accent, moi, quoi. Pocho Andini. Bisous, bonne soirée. Bon courage pour les cours demain. Merci. Bon courage à ceux qui travaillent. Oui. À ceux. Passez une bonne semaine. Soyez joyeux, c'est bientôt les vacances. Donc on travaille, mais pas trop. Toujours de la bonne humeur. Et on se retrouve Come dans on, une semaine. Bye. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Bonne semaine tout le monde. À bientôt à dimanche. C'est pareil, à bientôt à dimanche. Ciao. Sbazi Radio de retour dimanche prochain à 18h sur hashtag. Y'a rien qui va. Esther dit à toutes, mais c'est à dimanche prochain. Ciao tout le monde.